cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-haut-richelieu.com. Ouais, attends. Chut. Silence. Il y a un navire. Non, oui, mais... ouais. Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaires sonores « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel. Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça? Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté jusqu'au 31 juillet. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifles le matin, votre podcast de coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! On est de retour! Enfin, we're back, parlant de poubelle homosexuelle. Moi, c'est Jess PVM, grande bipolaire, sub, toujours concierge. Et maintenant qu'Éric Duhaime a pris sa retraite des radios de Québec, on n'est plus juste la seule radio poubelle homosexuelle de gauche, on est la seule radio poubelle homosexuelle, point! Oh my god, on a upgrade! On a enfin le monopole de l'homosexualité! Yes! Fait que finalement, Éric Duhaime, c'était l'avant-dernier gay. C'est ça. On va être nous autres les dernières. Ouais, c'est ça. On va être les dernières. Ben, toujours dans l'ordre rose. Moi, c'est Charlie Morin. Puis tant qu'à refaire la fureur à chaque calice d'année, on peut-tu changer de les gars, les filles? On peut-tu faire une fureur top-bottom? Oh my god! Ou une fureur verse versus verse, mais l'équipe perdante doit topper l'équipe gagnante. Ouh! En tout cas, moi j'ai bien des idées. Véro, contacte-moi. Oui. Oui. Cette semaine, même pas cette semaine. Non, là, peu, avant de parler de cette semaine, si on va parler de toute l'année qui s'est passée. Il y a un siècle qui s'est écoulé depuis qu'on n'est plus là. Saison 2, we back. On l'a fait. We made it. On a survécu déjà. Déjà. Déjà. Girl. On avait tellement des idées de grandeur d'ailleurs pour la saison 2 qui ont toutes été undercut by Miss Rona. Ah oui, on était supposé d'aller à Saint-Tite en gang. On voulait le faire, aller à Saint-Tite. Faire une classe brune. Oui, une classe brune. Hier, tu m'écœures. Malheureusement, Saint-Tite est cancellé. Oui, Saint-Tite est cancellé. Fait qu'on n'a même pas eu le temps de leur proposer de faire un party de moon. Anyways. Évidemment, on voulait faire un live devant Pubis. On voulait faire un live devant Pubis for sure. Un, deux, puis trois, puis quatre. Oui. On savait plus. Ça, c'est juste que maintenant, le Pubis, c'est plus juste des morpions que ça donne. C'est aussi le coronavirus. Fait que c'est ça. L'année prochaine. Ceci étant dit, on a quand même été relativement occupés malgré le confinement dernièrement. Ben, pas mal. La Saint-Jean, c'était le fun. Oui, la Saint-Jean qui était un show alternatif de la Saint-Jean. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de dire anti-Saint-Jean, gang. Non. C'est un show alternatif de la Saint-Jean. Oh my God. Sinon, Richard Martineau va se retourner dans la tombe dans laquelle il n'a pas encore été enterré. Mais qu'on espère qu'il va rejoindre rapidement. Oui, on se... voilà. C'est dit. C'est dit. On est ouvert aux poursuites. Puis sinon, quand même, on a un deuxième podcast going on. Oui! Oui, crash ton thé! Crash ton thé! C'est vrai, on a commencé ça. Au moment où on enregistre, ça fait pas longtemps qu'on a commencé ça, mais au moment où vous nous écoutez, vous êtes probablement à jour, vous avez déjà écouté 4-5 épisodes faciles. Parce que c'est encore plus le fun que Drag Race Canada. Nous autres qui parlent de Drag Race Canada. That's it, bitch. C'est dit. Get in the train. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant qu'on est parti? Mon Dieu. Je pense qu'on a gagné l'Oscar du meilleur podcast de Montréal. Yes, octroyé par Cult Montréal. Oui, voté par vous les Moons. Number one, première année. Là. Meilleur podcast de Montréal. Puis on s'est entendu que voter sur Cult Montréal, c'est l'affaire la plus chiante ever. C'est plus long que de faire tes impôts. Mais puis il faut que tu aies une réponse pour toutes les petites catégories. Ouais, je pense qu'il fallait que tu répondes comme à 25 catégories minimum pour que ton vote marche. Pour vrai, merci la gang. Si vous vous demandez ce que j'ai fait pendant la quarantaine, je suis allé voter pour nous autres. D'ailleurs, les maires de Charlie ont promis qu'ils avaient voté juste une fois chaque. Ah! Voilà. Oh my God. Donc, d'abord, merci de nous avoir voté. Yes. Vous avez gagné vos élections, c'est une première. Oui, c'est ça. Bravo. Il n'y a rien de plus important que de voter, gang. Sinon, je pense qu'on peut pas en parler. On peut pas ne pas en parler. Finalement, les gens ont compris un peu plus c'était quoi le racisme. Il y a eu un style de réveil collectif. Il y a eu un bon moment qu'on a pris où on s'est dit, tant qu'à être enfermé chez nous, on peut bien s'éduquer. Ouais. Ça a fait du bien. Puis quand même, j'espère que c'était pas juste un trend puis que les gens vont continuer de se remémorer que le racisme systémique existe toujours. Mais c'est ça, get in the train, mais tu sais, il y a pas mal de gens qui sont embarqués. Est-ce que tout le monde non. Est-ce qu'on aurait voulu, tu sais, je veux dire, c'est ça. Non, quand non, non. À faire, ceci étant dit, tant ça, mieux. Ça a fait du bien. Ben, tant mieux. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas de racisme en tout, là, mais tant mieux si le monde a comme pace up un peu, là. C'était le temps. You know. Fait que mettons qu'on revient à l'instant présent, là. Mettons qu'on carpe diem et up. Carpe diem et up. Comment ça va? Moi, ça va mal. Ça va très mal. Effectivement. J'ai passé un super bel été à me crosser tout seul chez nous dans ma chambre. Yes. J'ai de la corne sur le bout du gland, si j'en peux plus. C'est mes cœurs. Toi, comment ça va pas? Ça va absolument pas. OK. Ce n'est qu'une pente descendante et nous sommes tous sur le même crazy carpet. Ah oui, hein? Dévale cette côte enneigée. Tu sais, tout seul sur le crazy carpet, c'est pas le fun. Imagine toutes nous autres ensemble. Non, là. Ça va pas, mais... We put the crazy in carpet, honesty. Ah! OK, aujourd'hui... Cette semaine. En ces temps exceptionnels, dans le contexte actuel, par ces moments troubles que nous traversons collectivement, alors que nous nous adaptons à la nouvelle normalité et toutes ces autres euphémismes-là, pour en fait vous parler de la maudite COVID. Eh oui, on y échappe pas. C'est pas comme si on n'en parlait pas déjà tout le temps, incessamment, à tout le monde, à chaque jour, à chaque heure. Mais quand même, on s'est dit qu'on allait se lancer dans le tas parce qu'on trouve que notre opinion est... très important. mais ce ne sera pas la jasette habituelle de rester à la maison, lavez-vous les mains, fourrez juste doggy style, pas de bec avec un masque, s'il vous plaît. On vous parle de pandémie dans une perspective queer et de réduction des méfaits. On s'intéresse au renforcement récent de l'État policier et de son contrôle sur nos vies privées. Et on fait des beaux parallèles pas boiteux, on vous jure, avec l'épidémie qu'on connaît le mieux, la crise du VIH. Alors, on s'en va se commander un petit café hein, en souriant tout seul comme deux épaisses derrière notre masque parce que la barista ne peut pas nous voir la gueule anyway. Et on vous revient, comme toujours, overcaféiné. Piu piu. C'est moi qui ai fait piu piu. Oh, c'est mon bruit. Fait qu'on a tous les deux un regard tellement communicatif que même derrière nos masques, la barista du café du coin a réussi à voir le sourire derrière le tissu qui nous couvrait le bas du visage et à surpasser son sentiment d'exploitation par le salariat en temps de crise pour nous sourire en retour. Hein? Ça, c'est une barista de qualité. Ça là. Elle rehausse ben trop les attentes là, pour le reste du monde qui sont payés au salaire minimum. Ah ouais, c'est une social traite, là, ça c'est clair. Là. C'est ça. Là, je pense qu'on va faire un petit avertissement avant de prendre la COVID par derrière. Ben, juste parce que c'est un sujet qui fait vivre bien des affaires à bien du monde. Ouais. Fait qu'on veut juste être sûr que vous compreniez l'angle dans lequel on s'en va puis qu'on soit pas mécompris comme des conspis ou des négationnistes. Non. On le sait que la COVID, c'est pas Bill Gates. On est au courant. La distanciation sociale, il faut la respecter autant qu'on le peut. Porter un masque à l'intérieur, dans le métro, whatever. Tout ça, c'est valide. Là. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire ça puis c'est important d'essayer de respecter ces mesures-là. Mais... c'est juste comme amener ces approches-là où, dans le fond, on va juste renforcer du contrôle social puis dire aux gens quoi faire. Ça devient un peu gossant puis on a envie d'embarquer dans quelque chose qui est plus de penser les structures de pouvoir autour de ça qui font qu'on se ramasse fuck up par le gouvernement, la santé publique, qu'on se retrouve dans des situations pas d'allure, les dynamiques de pouvoir qui se développent entre nous, parler de réduction des méfaits. Apporter un regard queer aussi. C'est ça. Sur la situation. Ça veut pas dire qu'on invalide les angoisses que les gens peuvent vivre, qu'on est en train aussi de dire que... c'est-à-dire que souvent, je trouve que quand on aborde la réduction des méfaits, il y a rapidement un glissement vers « ben c'est ça, vous voulez déconfiner ». Oui. On n'est pas là-dedans. Non. On est juste en train de comme questionner qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas. Voilà. Parce que je trouve qu'au début de cette pandémie-là, on se disait beaucoup comme « là, c'est pas le moment de critiquer le gouvernement, c'est le moment de comme suivre absolument ». Alors qu'en temps de crise, il n'y a pas un meilleur moment pour critiquer un gouvernement? Puis aussi, comme je comprends, c'est-à-dire que je comprends que c'était pas utile au début de la crise de critiquer le confinement parce que le confinement a montré son succès, oui. Comment ça, oh, ça oui. fonctionne pour prévenir la transmission. Ceci étant dit, je pense que plus ça allait, plus le gouvernement se contredisait ou ouais. Était en train de manipuler la santé publique à des fins économiques vraiment plus que pour ouais. préserver des vies humaines. Là. Oui, puis là, on rentre justement dans le vif du sujet. Là, pendant que tout le monde parle de prendre la COVID de front, nous autres, je vous l'ai dit, on la prend par en arrière. je pense que ce qui résumerait le mieux en ce moment l'état d'esprit autour de la COVID, c'est police partout, justice nulle part. Puis c'est pas juste genre que... Parce que oui, l'État policier s'en est mêlé, mais hey genre boy. De plein fouet. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de... On est rendu tellement habitué à se surveiller nous-mêmes et les ouais. autres que c'est difficile aussi d'éliminer le policier dans notre tête. Ben, c'est ça, defund the police, but dans ta tête aussi. Oui, c'est ça. On est comme un peu tous devenus des citoyens policiers, puis ça devient gossant. Surtout dans une espèce d'ambiance où on parle de guerre à la COVID, puis que toute mesure exceptionnelle. C'est ça, là, c'est la grande métaphore en ce moment. Il faut monter au front. Les gens qui sont sur la première ligne, on est en guerre contre la COVID, c'est un combat. Je veux dire, il n'y a pas de meilleur discours pour un État, un gouvernement ou des structures de pouvoir que la guerre ouais. pour se donner des droits illimités et infinis. C'est ça. Puis ça, c'était peurant. Puis le gouvernement est super hypocrite en fait en ce moment. Oh my God, mais c'est parce Je veux dire, les problèmes reliés à la pandémie en ce moment, c'est pas que la pandémie qu'ils ont apporté là. Effectivement. C'est 30 ans de privatisation, de coupes dans les budgets, de restructuration pas d'allure. My God. Mais les travailleurs étaient comme. L'obsession déjà... du déficit zéro, les gouvernements austères, ouais. là, je veux dire, le système de santé a été décollissé là, quasiment en prévision d'une crise. Là. Puis les travailleurs de la santé étaient déjà à bout avant même que cette crise-là mm-hmm. kick in. Mm-hmm. Puis, en termes d'organisation du travail, ils n'ont pas su organiser ça pour protéger les travailleuses. Puis, il y a plein d'infirmières ou de juste gens dans la santé qui ont été contaminés à cause que il n'y avait pas assez de matériel. Le travail n'était pas organisé de manière à ce que les gens restent dans leurs unités, restent dans leur milieu de travail. La priorité, c'était qu'il y ait du monde partout. Oui. Ils ont fait de l'overtime, se sont épuisés. Puis ils ont été, malgré elles, un vecteur de transmission, en fait, parce que le système était trop désorganisé, puis pas par leur faute, par la faute des administrations, puis du ministère de la Santé. Oui. Tu sais, quand. Puis je veux dire, en tout cas. Vous la voyez très facilement, là, l'hypocrisie. Là, ça fait des années que les préposés aux bénéficiaires nous disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés pour la job qu'ils font, qu'ils n'ont pas assez de staff, que ça ne va pas bien. Le gouvernement nous annonce qu'il manque à peu près 10 000 préposés aux bénéficiaires. Enfin, offre un salaire qui a de l'allure. Oh, surprise, 80 000 demandent pour suivre la formation de préposés aux bénéficiaires. Il en manquait 10 000. Il y en a 8 fois plus qui veulent l'appliquer parce que finalement, tabarnak, t'as donné un salaire qui avait du bon sens. Ah oui, puis aussi, c'est une hostie de grosse job, là. Genre, C'est pas évident, là. C'est ça, là. Puis c'est ça. Mais finalement, c'est sous-payé. Puis là, ça se ramasse à, genre, être du monde qui, genre, sont assignés à des tâches de care pour des salaires pas d'allure. Puis ça fait partie des métiers. C'est ça. Puis ça fait partie des métiers. Tu sais, c'est comme l'enseignement. Genre, tu vas faire un paquet d'heures supplémentaires parce que l'enseignement, c'est une vocation. Être préposé aux bénéficiaires, c'est une vocation. Fait que toi, t'es une sainte ou un saint, là. Puis faut que tu fasses 80 heures, c'est ta vocation chère. Fuck that shit, pour vrai. Puis en plus, le gouvernement pousse l'audace jusqu'à individualiser le problème de la COVID puis nous faire croire que c'est à cause d'individus irresponsables puis pas à cause de structures qui sont pas capables de soutenir le système de santé. Non, puis là, c'est ce même gouvernement-là qui puis tu sais, quand je dis même gouvernement-là, vous allez dire, ouais, mais tu sais, il y a eu le Parti libéral, le PQ, la CAQ. Bon, première des choses, Marguerite Blais, ministre des Aînés, ça fait à peu près 15 ans qu'elle a ce poste-là, tout gouvernement confondu. Toute la même gang. Là. Fait que là, tu sais, hein, d'un gouvernement néolibéral à l'autre, je pense pas qu'il y a eu des super méga changements. Fait que, sorry, là, mais comme. On demande à l'appareil étatique qui a scrappé le système de le réparer, puis c'est à lui qu'il faudrait faire confiance. Je ne crois pas. Non, puis là, ils se donnent tous les droits de régler le problème qu'ils ont causé eux-mêmes, puis de se proclamer héros. Oui. Puis aussi de comme vraiment remettre la faute sur les individus, puis individualiser la solidarité, alors qu'ils ont un rôle super important à jouer dans la prévention, l'éducation, la réduction des méfaits, puis qu'à un moment donné, moi, je pense que c'était. Ils ont eu une approche vraiment limitée. En termes d'éducation, tu sais, c'était vraiment des trucs de comme. C'était plus des grands. Puis des, je comprends qu'au début, on comprenait pas, tu sais. Je veux dire, ça a pris du temps. Non, mais c'est ça, sache, on avait peur aussi. Oui, c'est ça. Ça reste une situation qui est effrayante. C'est pas. Je veux dire, on a vu les conséquences que ça peut avoir d'attraper le virus, c'est pas mineur, là. Mais tu sais, là, maintenant, on sait que c'est à l'intérieur, dans des espaces pas bien aérés, que la transmission est le plus facile. Puis ils vont réouvrir les bars pareil, mais on peut encore pas boire dans les parcs. Mais le bar ferme à minuit, parce que c'est important de savoir que la COVID, ça commence après minuit. Oui, elle sort à minuit. Oui, exactement. Fait que c'est super bon outil de prévention, c'est merveilleux. Là. C'est juste que les gens vont commencer à boire à 3h de l'après-midi au lieu de 7h. Listen, Miss Rona is a raver, puis elle sort pas avant minuit, hein? Puis elle rentre à coucher à genre 7h le matin. Miss Rona, ben raver, fuckboy. Ben, tu pisses sa kétamine. Fait que... Mais là, tout ça, ça se passe aussi entre queer. Entre moon, il y a une dérive sécuritaire aussi. Mais juste entre les individus en tant que tels, parce qu'on se sent tellement responsabilisé individuellement, il y a tellement de pression. Tu sais, je pense qu'il y a un truc aussi où il faut pas... Je blâme pas les gens personnellement de commencer à se surveiller. Puis à, t'es isolé, t'es anxieux chez vous. Ouais, puis aussi, comme on se fait mettre cette pression-là, on se fait domper. Tu sais, c'est dur de prendre un pas de recul puis de faire comme, OK, mais qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas là-dedans? Mais c'est sûr que... c'est une recette parfaite, l'isolement puis l'anxiété pour créer des citoyens policiers. Oui, oui, oui. Puis à un moment donné, les médias sociaux comme genre extension de la surveillance puis de la performance du confinement, là, moi, j'étais plus capable. Ouais, c'est pas très efficace, honnêtement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de shaming, puis on va parler des dérapages que le shaming, ça peut amener tantôt, mais comme il y a un moment donné où on fait plus performer notre prévention. Puis montrer au monde que nous autres, on est préventifs, puis qu'on est du bon côté de l'histoire. Qu'on est responsable. Alors que c'est ce que tu montres, c'est tout ce que tu montres. Moi, pour vrai, là, comme first things first, le risque zéro n'existe pas. Non. Puis je pense que tout le monde a aménagé ou fait certains détours parce qu'à un moment donné, on est capable de privilégier certains besoins par rapport au risque, puis c'est correct. Oui. Parce qu'il y a aussi, en tout cas, faut pas penser que tout risque est un haut risque. Il y a aussi des risques très bas. Tu sais, comme. Oui. C'est ça. C'est juste que c'est vrai que les médias sociaux, ça donne pas beaucoup de place à avoir une approche nuancée par rapport à ça. Oui. Fait que les gens sont beaucoup dans une performance du bon confinement. Oui. Puis de comme montrer ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est touché parce qu'on parle souvent des réseaux sociaux comme une espèce de zone de guerre où les tensions sont exacerbées. C'est un peu comme ça dans la réalité aussi. Là. Moi, il y a pas long à Laval, à l'épicerie, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les petites flèches à terre, puis ça finit avec un coup de poing sur la gueule. Là. Et Laval, hein? Hein? Toujours là pour nous rendre fiers. On s'entend que c'est là qu'il y avait eu l'émeute du cocoton aussi. Là, tout le monde. Sacrement. D'après moi, le monde à Laval, il est en mèche courte, en tout cas. l'affaire aussi, c'est qu'il y a de moins en moins d'informations sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus de clickbait. Ça, la culture du clickbait en temps de pandémie, là, je suis comme une chance pour vrai que pendant le pic de l'épidémie du VIH en Occident, une chance qu'on n'avait pas Twitter. Ah. Une chance qu'on n'avait pas Facebook. Ça aurait été... Parce que, mais non, mais c'est ça l'affaire. Puis moi, à un moment donné, je suis plus capable des estimes. Imagine Ronald Reagan. Ben, t'es rendu là. Entre deux fascistes de droite, on les connaît plus. Oui, qui ont commencé à être des espèces de célébrités puis qui se sont juste fait... Fait qu'en tout cas, imaginez-vous, Adolf Reagan qui a un Twitter en 80, là. Mais pas juste ça, tu sais, je pense qu'il y a aussi un truc de comme quand ils nous sortent des articles sur comme quelques cas qu'ils ont trouvé. Ah ouais. Tu sais, genre, à un moment donné, genre, millennials are dying from heart attacks after getting COVID, ou genre, des complications cervicales, ou genre, tu sais... Des vieilles photos de l'année passée au parc Maisonneuve qui sont utilisées pour cette année pour dire qu'il y avait du monde dans les parcs alors qu'il n'y avait pas un crise de chat. C'est ça, tu sais, mais genre, puis à un moment donné, c'est vrai que si tu lis l'article, t'es comme, bon, ben, il y a des gens qui ont certaines complications comme ça. Ou si tu lis l'article du truc du parc, t'es comme, bon, ben, finalement, les policiers n'ont pas donné d'amende, mais ils ont averti. Puis finalement, quand tu vois la photo d'une autre perspective, ben les gens n'étaient pas en train de pas respecter la distanciation sociale. Ouais. C'est juste pris d'un autre point de vue où c'était une photo qui datait. Exactement. T'sais. Mais le truc, c'est que genre l'angoisse, ça fait cliquer. Fait ah que ben genre, oui, ben oui. C'est des clics, c'est du trafic, c'est un peu, mais à un moment donné, tabarnak. Il n'y a rien de meilleur pour gouverner que la peur. Je sais, pis, mais moi, c'est des trucs de comme, tu sais, des millennials puis des Gen Z, là, genre, qui partageaient ces affaires-là, puis j'étais comme, OK, là, gang, on se boomerise. Non, on se boomerise. Oui, il y a du monde qui sont en train de se transformer en Karen, puis ça commence à être inquiétant, là. Mm. L'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, on nous a pas beaucoup offert d'alternatives. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui est surpris qu'on soit en été, là. On savait que l'été s'en venait et que ça allait être plus compliqué à gérer, là. Je sais qu'au Québec, des fois, on a toujours une petite inquiétude que ça se passe pas, là. Oui. On a tout le temps peur d'en skipper un, fait que. Mais l'été est là, puis tu sais, comme. C'est quelque chose d'aussi niaiseux que de laisser le monde boire dans les parcs. Puis là, c'est la sub de la gang qui dit ça. Là. Quand c'est rendu Jess là, qui veut qu'on laisse boire le monde dans les parcs. On a plein de beaux grands parcs. En tout cas, à Montréal, par Laval. Je sais pas dans votre bout. Mais ben, on est vraiment chanceux quand même. Comme pour une métropole, on a vraiment accès à beaucoup de parcs. Fait beaucoup que au lieu de donner des étiquettes au monde qui boivent dans les parcs, parce que c'est surtout ça, c'est bien plus des étiquettes de boissons que des étiquettes d'attroupement. genre enlever certaines lois prohibitives, genre assouplissez ça là, la prohibition là, c'est comme refuser les avances sexuelles de Marie-Pierre Morin, ça a jamais marché. Calice de tabarnak. Mais c'est vrai que est-ce qu'elle se trouve drôle ta gueule. Mais c'est vrai que et les policiers se gâtent en fait parce que en termes de distanciation sociale, les gens la respectent assez, tu sais, c'est vraiment un truc de ils vont surveiller l'alcool en fait. Ben oui. Puis eux autres ils ont du fun là, ils donnent des amendes. C'est juste comme fuck that là. Tu sais les règlements sont tellement confus, tu sais, il y a eu un moment donné là, le gouvernement nous a annoncé une affaire de 10 personnes maximum de 3 familles. Là, finalement, le lendemain, dans le journal, on apprend que les 3 familles ne sont pas dans la loi, que c'est plus une recommandation, finalement, que c'est pas sûr, que ça pourra pas être, je sais pas comment on dit, enforce a law en français, renforcer. Alors qu'avant, on n'avait pas de restriction, fait que c'était comme pas une ouverture, c'était plus une restriction que d'autres choses. C'est ça, ils nous présentaient ça comme une forme de déconfinement, mais il n'y avait pas de limite pour les rassemblements extérieurs, anyway. Mais puis aussi, juste des trucs super incongrus que, dans le fond, l'objectif, c'est un déconfinement économique. C'est pas le bien-être social plus possible épanoui des citoyens et citoyennes. Là. C'est qu'on soit prêt à retourner au travail. T'sais. Non, effectivement. Fait qu'en tout cas... Puis aussi, en termes d'accès à la nature, les gens capotaient aussi. Là, plein d'endroits fermés que t'es juste comme... C'est l'extérieur. Oui, c'est ça. Comment ça qu'on ouvre les bars, c'est mais tout ce qui nous reste. La mairesse de Sainte-Adèle, elle veut plus voir de moon en train de chiller aux chutes, esti. Ça a aucun lien avec l'homophobie. Moi, je suis sûr que c'est moi, vraiment... Moi, je pense pas non plus. Moi, je l'atroce. Je suis comme, Chris, t'es la mairesse, t'es in charge. Si tu trouves qu'il y a trop de déchets, mets des poubelles. Ben, de un... T'es in charge. Puis en tout cas, moi je pense que l'économie de cette Marguerite va s'écrouler, de cette Adèle, pardon, parce que... Je sais pas, parce que pour vrai, en même temps, genre, oui, c'est un spot de moon nice, puis genre, ça va couper en termes d'accessibilité, de charger 50$. Puis je pense que c'est pas juste aussi pour des gens de la ville, parce que, tu sais, comme, les gens de Montréal, quand elle dit ça, c'est code for des homosexuels. Oui. On s'entend. Oui, c'est très comme s'il y avait pas d'homosexuels dans la région. Ben, genre comme s'il n'y avait pas de gens qui en j'étais profitaient. J'étais sur Grindr, moi, puis... non, mais tu sais, c'est vrai que... Non, il y a des moons en région, là. Oui, c'est ça, mais les moons autour de Sainte-Adèle sont contentes d'avoir un spot. Et puis plein de gens closeted qui ont plus de misère à comme affirmer leur sexualité dans cette région-là, comme peuvent pas nécessairement stand-up puis dire à la mairesse « fuck that shit ». Exactement. Fait que, anyways... Ça, là, c'est ça, on divague. Oui, la chute des chutes, là, on fera tout un épisode là-dessus. Oui, on vous reviendra. Alors, sur ce, nous autres, on s'en va se badigeonner de purel jusqu'au coude pour aller se ramasser un autre café, puis on vous revient. Overcaffeiné. On avait les mains chèches. C'était un désert sans le moindre signe de vie du germe, même le plus résilient. Ouais. Et on a obtenu notre café pour venir vous retrouver puis vous parler de perspectives queer sur la pandémie. Yes, ma'am. Alors, reste qu'on est désinfecté, les moons, on va vous... Pour vous amener plus en terrain queer, parler un petit peu plus de réduction des méfaits, je pense. Je pense qu'une des premières affaires qu'on oublie dans le confinement, c'est que souvent, les queers, on a des familles choisies. Mm-hmm. On a des milieux qu'on décide de fréquenter par choix, soit par exclusion, soit parce qu'on a changé de région, parce qu'être monde en région, des fois, c'est pas facile. Et il y a comme aucun aménagement, il y a comme pas de wiggle room en ce moment dans le discours sur le confinement pour justement ce genre de configuration-là, d'aller voir les personnes qui nous rendent safe, dans le fond, pour beaucoup de gens, les seules personnes qu'on a. Puis ça a été mis en mots par une activiste de Montréal qui s'appelle Clementine Morgan. Oui. Qui avait bien identifié le fait que, tu sais, quand c'est sorti dans Dérapage poétique, genre quand Horacio Arruda avait dit sur un ton de blague, la monogamie est préférable en ce moment. Pis, c'est comme une joke, mais pas une joke en même temps. Ben, une joke, pas une joke. Puis aussi, c'était très codé. C'était comme un peu drôle parce que c'était dans un truc de c'est évident pour la plupart de la population que genre de pas être monogame, c'est un peu weird. Mais aussi, c'est une manière codée de dire qu'il y a juste les besoins des hétéros qui vont être aménagés. Exactement. T'sais, parce que c'est nous autres, là, les weirdos, qui ont comme plusieurs partners, puis qui genre slut around, puis qui sont différents. T'sais. Oui. Du moins, c'est comme ça que la société nous voit. Oui, c'est ça. T'sais. Ouais. Puis, il y a toute une négation du fait que ben pour nous, c'est pas notre première épidémie. Là. Genre, non. On est habitué à comme pratiquer la réduction des méfaits de manière active. T'sais, la réduction des méfaits qui consiste à genre parler de tes pratiques, être capable de les aménager en fonction de réduire les risques. Oui. Puis de réduire la criminalisation. Oui, c'est ça. De réduire les exclusions. Pas entrer dans des logiques de tout ou rien, puis de genre privatisation, prohibition. Mais c'est ça. Je pense qu'en ce moment, comme queer, on a un peu échoué dans notre mission de réduction des méfaits. On va en reparler un peu plus tard, mais comme... Ceci étant dit, je comprends aussi que quand on se sent autant surveillé, tu sais, juste pour des partners qui habitent pas dans la même maison, tu sais, de comme... Ouais. D'aller visiter l'autre, mais là, de te demander si, genre, les voisins vont pas snitch à la police, puis genre, des affaires de même. Parce que ça arrive, là, ça, là. Ben oui, puis d'autres clickbait qui sont sortis à propos de ça, puis là, les gens se mettent à capoter, tu sais, comme... Je comprends aussi que c'est pas facile de pratiquer de la réduction des méfaits quand tu te sens super surveillé. Exact. Puis c'est ça. Puis ça amène que, ben, si on, quand on est confiné aussi, ça nous ramène un peu dans le placard d'une certaine manière. Ben, moi, c'est ce que je pense. Parce que, tu sais, comme. Puis, tu sais, il y a plusieurs types de placards. Moi et Charlie, on est deux tapettes blanches. Tu sais, ça se passe quand même pas pire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que de juste être gay dans l'espace public. Puis qui sont confinés toutes seules sans pouvoir rencontrer quelqu'un qui normalement les validerait. Ouais. Sans pouvoir parler le langage que ces gens-là parleraient, là, je veux dire, there's such a thing as code switching. Ouais. Puis aussi, surtout, c'était, en tout cas, je pense aux jeunes queers qui sont avec leur famille. Ouais, là, c'est ça. C'est d'enfer, là. Puis, faut aussi être à la bonne place au bon moment quand ça commence une pandémie, là. Ça, là, moi, j'ai un de mes collègues qui a amené la super belle métaphore de c'est comme jouer à attaque, puis quand quelqu'un crie freeze, faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Ouais. Imagine d'autres moments dans ta vie où ça aurait été à la pandémie, puis que t'aurais été pogné là. Ouais, c'est ça, là. T'es peut-être dans une colocation qui marche pas pantoute, puis là, t'es pogné là-dedans, enfermé en gang. Ouais. Bon, peut-être que ça va être un bon moment pour régler les problèmes, sait-on jamais, mais comme ça peut aussi être très toxique puis très très lourd. Puis on pense aussi à des familles qui ont peut-être des problèmes de fonctionnement à l'intérieur de leur famille qui sont là en ce moment pognés ensemble puis que ça crée des problèmes exacerbés. Puis tu sais, genre, en tout cas, pour revenir à mon petit nombril. Non, mais tu sais. Non, mais je trouve que c'est. On reconnaît la tapette blanche. Ah ouais, alors. Non, mais je trouve que c'est vrai que d'être pogné chez nous puis de pas sortir, tu sais, ça fait que, ok, mais tu sais, quand est-ce que, genre, tu turn up un look, tu vis ta queerness, tu, genre. Tu sais, moi, puis moi, je suis chanceux, là, tous mes collègues sont queer, tu sais, mais même à ça, on est habitué de se voir la face, là, c'est plus un événement, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, il manque le petit bout dans notre vie où on se sent spécial. Ouais, ou tu sais, où on se sent validé. Mais tu sais, moi, c'est-à-dire. Puis c'est ça, je veux dire, il y en a plein qui ont soit des colocs straight, soit qui vivent avec leur famille, soit qui sont pas dans des situations où ils sont des gens qui comprennent, ou comme l'isolement est encore plus intense. Mais moi, même avec des colocs queer, j'étais comme en linge mou chez nous pendant 2 mois. Là, j'étais comme, OK, mais je me sens pas le plus validé dans qui non, je suis et ce que je suis. Non, non, non. c'est clairement pas un festival de l'empowerment. Une des choses, moi, qui me tient à cœur dans toute cette histoire-là, c'est tout ce qui tourne autour, évidemment, des addictions. Uh-huh. Moi, en tant que sobre, je peux vous dire à quel point cette espèce d'ambiance de fin du monde, là, la seule affaire que tu entends dans ta tête, c'est une petite crise de voix qui est comme « Tant qu'à ça, vire donc de brosse. » Tant qu'à ça, vire donc de brosse. Oh, bitch. Fait que finalement, j'ai recommencé à fumer. Tu sais ça, on choisit ses combats. C'est ça. I prefer the devil that I know. Puis, tu sais, les gens pensent que avoir des problèmes de consommation, là, c'est le fond du baril tout de suite. T'as plus d'amis, t'es tout seul chez vous, en train de te piquer de l'héroïne dans le coin des yeux. Là. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Beaucoup des personnes qui ont des problèmes de dépendance sont très fonctionnelles et généralement, je peux vous le dire, il y a pas mal tout le temps un party où tu peux pratiquer ta dépendance puis avoir l'air d'être absolument comme tout le monde. Puis souvent, ce genre de ce qu'on appelle, ce qu'on voit comme rassemblement ou qu'on a vu à certains endroits, ben, ça peut être une conséquence de ça aussi. Les gens voient beaucoup ça en disant genre « Ah! » Gang de tapettes qui veulent juste se saouler. C'est plus compliqué que juste vouloir se saouler. Pour certaines personnes, c'est pas une option de pas le faire. Non, puis il y a un truc aussi de, comme je sais pas, là, les gens qui font du PNP sur Grindr, là, genre party and play pour les non-initiés, c'est genre juste consommer et fourrer en même temps. Mais tu sais, c'est pas des pratiques que t'abandonnes du jour au lendemain parce que, là, François Legault a dit de se confiner, là, tu sais. Puis en même temps, je comprends que c'est facile d'adopter une posture de genre, voyons donc qu'ils continuent, ils sont super. Genre, elles sont inconscientes, elles sont irresponsables, elles respectent pas, mais en même temps, il y a un truc aussi de comme, ben, c'est pas vrai que tu peux, genre, te retirer en sevrage, genre, du jour au lendemain. Non, c'est même fortement pas recommandé. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste plus complexe que ça, puis je trouve qu'on adopte souvent des postures de jugement, en fait. Ben, c'est le problème avec le tout ou rien. Ouais, c'est ça. Ben, et puis c'est le problème aussi à pas faire de réduction des méfaits pantoute. Exact. Exact. Ça a été, je veux dire, la pandémie a été pensée pour des travailleurs hétérosexuels. Là, oui. Et des travailleuses hétérosexuelles. Ben, oui. Mais c'est ça, mais je pense que quand on parle d'addiction aussi, je pense que il faut acknowledge qu'il n'y a pas juste ce qu'on consomme qui peut être une addiction, mais il y a aussi des habitudes, des addictions, tu sais. Oui. Puis je pense qu'on ne parle pas nécessairement tant que ça d'addiction au sexe dans la communauté queer. Effectivement. Il y a un truc où, sans que ça devienne nécessairement un problème pour tout le monde, ça peut être un truc qui qui a une place prépondérante en termes de d'où tu tires de la validation. Oui. C'est juste que comme c'est considéré mauvais, parce que tu ne devrais pas tirer de validation de ta sexualité parce que c'est pas beau, parce que c'est hyper sexualisant, blablabla, dans un truc full moraliste, on n'en parle pas. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tirent beaucoup de validation d'avoir des casual hookups qui sont vraiment le fun. Il y a des gens aussi qui vont l'utiliser comme point de fuite pour genre fuir leurs problèmes, qui vont fuck their problems away. Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça des fois. Fait que. Puis. Asking for a friend. Asking for a friend. Mais c'est ça, c'est juste que de passer de. D'être capable d'avoir une sexualité dans laquelle t'es bien à plus avoir ça. Ouch, bobo. Ben là, oui. Sevrage tout de suite. Oui. Puis en tout cas, moi, c'est facile, je suis sevré de sexe depuis un bon bout, mais comme. Toujours sur la question de dépendance, c'est comme on parle de on parle beaucoup de réduction des méfaits. Le monde, ça va grimper dans les rideaux, je le sais, là, mais on aurait-tu pu, pendant la pandémie, s'il vous plaît, produire de la coke et de l'héroïne de qualité? Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui passe les douanes, puis le monde, là, c'est le fentanyl dans tout. Ouais, mais là, ça, c'est un truc de décriminaliser les drogues en général. Là, ça, c'est juste ben oui! Jeux, là, ben oui! C'est, s'il vous plaît, genre, parce que ça a accentué la pandémie, genre, fois mille. S'il y a du monde qui sont grimpés des rideaux pour décriminaliser les drogues, vous êtes aussi libre de peser sur stop, là, c'est pas grave. Oui, oui, effectivement, si vous pensez qu'il faut pas décriminaliser les drogues, ben, bye. Mais c'est ça aussi, en tout cas, il y a un truc, on pourrait élaborer aussi là parce que là, on est vraiment passé rapidement sur le sujet, puis c'est pas le sujet du podcast, on va pas juste parler de décriminaliser les drogues, mais décriminaliser les drogues, c'est une bonne idée, on peut avoir des articles. Là. Voilà, on veut. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, sinon aussi, je pense qu'en termes de santé mentale commune, tu sais, comme autant, genre, au début, on n'avait pas le choix de se confiner puis d'être tout seul, puis OK, on comprend que c'est un mal nécessaire. Ouais. Autant, quand il est venu le moment de déconfiner, l'intérêt était économique, puis on voulait que les gens soient prêts à se présenter dans les lieux de travail où la contamination est vraiment plus propice que de juste voir ta famille puis quelques amis. C'est juste qu'on préfère relancer l'économie que les gens s'épanouissent socialement. Puis, tu sais, on parle de milieu de travail, là. Moi, dans la vie, je suis concierge. Je vous l'ai répété à tous les colis d'épisodes. Je travaille dans un bureau. Il y a pas, c'est pas Horacio Arruda qui va venir à mon bureau checker si on a bien fait ça là. Mm. C'est du monde qui comme moi, qui ne sont absolument pas spécialisés dans désinfection en général. Puis pour en avoir fait l'expérience, là, on a comme eu un faux retour au bureau à ma job là, pour que les gens viennent chercher leurs affaires personnelles puis qu'ils retournent travailler chez eux. Ça sera pas une job facile. Les gens là, au-delà de le monde des caves d'aller se rassembler, là, juste respecter les trucs de base là, ça sera pas nécessairement facile. Puis il y a un truc où genre, tu sais, en tout cas, je veux pas tout de suite jumper dans les comparaisons avec l'épidémie du VIH, mais ah ouais donc. Mais il y a un truc aussi où des changements de pratique, c'est long. Ouais. Tu sais, puis je comprends aussi qu'on chiale sur les gens qui sont irresponsables, qui sont pas capables de mettre un masque, c'est donc bien facile de mettre un masque, puis tout. Oui, effectivement, ceci étant dit, c'est vrai que des changements de pratique, puis rendre ça normal, puis... Ça se fait pas en deux jours, là. C'est ça, puis ça prend du temps, malheureusement. Combien de fois tu l'as oublié, ton sac réutilisable, dans ta valise de char, juste pour le fun? Oh, bitch! Juste pour le fun. Oh, bitch! Hein? Bon, c'est pas le même niveau... Ben, c'est pas le même niveau de gravité. Sais-tu que ça m'emmène sur autre chose? Le COVID a tellement pris de place que la crise climatique, il y en a plus. La nature reprend le dessus. Ben c'est oui, on a une baleine dans le fleuve Saint-Laurent. C'est nous le virus. T'as vu ce qui est arrivé à Belle-Julie, elle est morte. Ben, fait bourrer. Voilà, ça a eu la baleine, viens pas chez nous. Ben, et sinon, en termes de politique queer du confinement, c'est sûr que pour plein d'entre nous, ça nous vulnérabilise encore plus parce que les queers sont surreprésentés dans le sex work. Effectivement, puis, effectivement. Le sex work comme emploi absolument pas reconnu, où genre les gens sont full mis à risque parce que c'est difficile de toucher la PCU parce qu'il faut que tu aies une autre job sur laquelle tu peux appliquer pour justifier le fait que tu as la PCU ou sinon tu n'as pas le choix de te mettre à risque ou de crever de faim. C'est ça, parce que je veux dire, à partir d'un certain moment, si le sex work c'est ton revenu, qu'il faut pas que tu rencontres du monde, mais que ça donne que c'est tes clients ou tes clientes. Non, mais c'est ça. Tu viens de te faire couper l'herbe sous le pied, là. Ça met les gens devant des choix impossibles. Sinon, tous les services de santé aux personnes trans qui ont été suspendus parce que c'était pas toujours prioritaire. Toujours au lendemain, ouais. Parce que c'était pas prioritaire. Non. Puis t'es juste comme, OK, mais je pense qu'on est quand même capable de genre gérer des priorités sans avoir des biais implicites de personnes cis qui se disent, eux autres, j'imagine que c'est pas si vital que ça. Là, tu gages-tu qu'il y a des bébés intersexes qui sont nés pendant la COVID puis qui se sont dépêchant de style d'y réassigner son sexe comme du monde? Ah, tabarnak. Ça devait être prioritaire. Je suis sûr que ça s'est fait. C'est sûr. Ça, mais, une chirurgie d'affirmation de genre, ça, non. Ça, c'est pas prioritaire. Surtout que les gens attendent super longtemps. Déjà? Pas juste ça, des suivis d'hormonothérapie aussi. Ah là, oui, comme c'est vrai, c'est important. Là. Genre, il y en a qui ont été suspendus là, aussi. Là. Ouais. Je pense dans le milieu queer, je pense pas me tromper si je dis qu'on a beaucoup d'artistes indépendants, indépendantes, que ce soit des drags, des artistes visuels, de la musique, des gens qui travaillent dans des bars. Tous ces gens-là, ils n'ont pas la PCU. Là. Ils font pas assez d'argent pour déclarer la petite gig de fin de semaine au cocktail ou le show par année qu'ils ont à Fierté Montréal. Ouais, ou... les artistes qui ont plus des gigs ponctuels, ouais. Qui vivent plus de trucs informels, genre. Ça, puis tous les événements qui sont, je veux dire, pour une tapette, là, il y a pas mal, ou pour les personnes queer, il y a pas mal une période dans l'année où tu peux vraiment peut-être faire du cash en tant qu'artiste, c'est la Fierté. Oh girl. Il y en a plus, là. Oh girl. Fait que pour bien du monde, même des gens qui ont des carrières, des drags plus connus, mettons, on va dire. Même eux autres sont en merde. Là. Fait que j'ose même pas imaginer là, les drags queer, les shapeshifters. Ça doit juste être l'enfer. Là. Effectivement. Donc là-dessus, ben on s'en va se tousser dans le coude, dans un wagon de métro vide, dans lequel on touche à rien pour aller chercher un café. 3 stations plus loin et on vous revient. Au café. Caféiné. Ça fait qu'on est revenu de notre dernier café par une des nombreuses pistes cyclables imposées de force pendant la crise de Montréal et Montréalaise, pris en otage par la mairesse Plante, alors que les pauvres citoyens et citoyennes assiégés par les maudits cyclistes veulent juste avoir de l'espace pour parquer leurs 3 chars sur le plateau. Alors non seulement on est overcaféiné, mais on est pompé en tabarnak. Et je pompé. Et my God, la dernière fois que j'ai été pompé de même. En tout cas, je vous en parle pas de suite. Fait que là, en termes de réduction des méfaits, on en a vu en masse des parallèles boiteux entre, oh my God, oui. La pandémie de COVID-19 puis l'épidémie du VIH. Tout n'est pas nécessairement dans tout, guys. C'est quoi les limites des associations qu'on peut faire entre COVID et VIH? Je pense que, surtout au début de la pandémie, il y avait beaucoup le mème « Ah, le gouvernement fait rien de pour la pandémie, tu dois être nouveau ici ». Ouais. Genre ouais, comme ouais, si ouais. L'inaction gouvernementale par rapport au VIH-SIDA avait été la même chose que l'inaction gouvernementale par rapport au COVID. Je m'excuse, mais il y a des hosties de grosses différences, là. Le truc, c'est que genre l'inaction par rapport à la COVID, souvent, c'est motivé par des intérêts économiques over la vie humaine. Ouais. Tandis que l'inaction par rapport au VIH, c'est vraiment juste motivé par, genre, la négligence des communautés marginalisées qui étaient touchées de manière prépondérante par le VIH. C'était les personnes queer, les personnes racisées. Les personnes utilisatrices de drogues injectables. C'est les premières personnes qui ont été affectées par la crise du VIH-SIDA. Les gouvernements s'en calissent. C'est principalement parce que c'était considéré comme pas important. Puis on parle d'années, voire même de décennies d'inaction gouvernementale. Ouais, puis aussi de difficultés à faire reconnaître des brevets pour des médicaments qui avaient été déjà trouvés, notamment aux États-Unis. En tout cas, des pommes et des oranges, si voilà, je peux me permettre. La belle époque de Staline, sinon Reagan. Sinon, c'est bien ben drôle parler du VIH comme si ça, c'était fini. Oui, souvent, il y a un peu ce sous-entendu-là. Puis je suis comme, c'est des épidémies concurrentes. Là. Tu peux tester positif aux deux. Là. Ouais, c'est ça. C'est en tout cas, à moins que j'aie manqué une grosse nouvelle récemment, la crise du VIH n'est pas terminée du tout. Sinon, au début de la crise du VIH aussi, on mettait beaucoup d'espoir dans un vaccin. Oui. On en est revenu. Oui, similarité du narratif quand même. Parce que non seulement on a au début de la crise du VIH, on a beaucoup pensé au vaccin comme on a pensé au COVID, mais une grosse partie de la solution, je fais des air quotes, ça a été justement des changements d'habitude, considérer certains comportements comme répréhensibles. Ouais. Ça a beaucoup fait partie des stigmas sociaux entourant la sérophobie. Le masque, c'est le nouveau condom. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis... allez sur les réseaux sociaux, là, vous n'aurez pas besoin de chercher bien longtemps dans les commentaires, en dessous des publications là, sur le Fire Island Gate ou whatever. Là. Ça prend 2 commentaires puis tu as déjà quelqu'un qui est comme « Je suppose que ces gens-là n'ont pas peur d'attraper le VIH non plus. » OK, mais let's jump on it, though, ce qui s'est passé à Fire Island. Ouais, ben là, OK, oui. On a parlé du 4 juillet. Bon, là, déjà, on n'encourage absolument personne à célébrer leur fête nationale Ant-Moon. Non. À moins que ce soit la Saint-Jeanne, là, mais non. Oui, si c'est une anti-affaire, oui, là. Mais tu sais, comme, soyez fiers d'être moon, soyez pas fiers d'être... Surtout pas américain, là. C'est ça. S'il vous plaît. Toutefois, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire cette partie-là, là. C'était pas la meilleure idée, mais en même temps, il y a un truc où, si les autorités sanitaires l'autorisent, je trouve que surtout aux États-Unis, ils mettent des gens devant des choix impossibles, en fait. Oui, parce que le discours fédéral versus les États eux-mêmes versus d'un État à l'autre. Ouais, puis du moment. C'est le bordel. Là. Mais je comprends aussi. D'une ville à l'autre même. Puis je trouve qu'au Québec, on fait ça aussi avec les bars. Tu sais, il y a un truc où, comme bon, mais les autorités sanitaires autorisent puis réouvrent des trucs. Puis après ça, on va blâmer les gens individuellement pour prendre la décision d'y aller. Mais je pense que si les autorités sanitaires sont manipulées par les gouvernements pour des intérêts économiques, c'est eux qu'il faut blâmer. Je comprends les gens de se dire « Ben, je vais truster la santé publique. Ça a l'air, si c'est ouvert, I will look it out. » Puis là, tu sais, là-dessus, là, bien important, là, si vous vous dites que le gouvernement ne manipule pas la santé publique, là, trouvez-moi un article dans lequel Horacio Arruda fait une critique de la gestion par le gouvernement. Un article. Alors, Rassi Arruda, là, il est assis à côté de François Legault, puis il dit qu'est-ce qu'il faut qu'il dise à tous les jours depuis le début de la pandémie. Mais non, puis ils ont changé le CA de la santé publique à la moitié de la pandémie parce qu'à un moment donné, ils disaient pas ce qu'ils voulaient entendre. Je veux dire, c'est trash en esti. Ouais, puis ils ont refusé des candidatures de gens qui étaient super experts justement parce qu'ils pouvaient pas les contrôler. Mais pour revenir à Fire Island. Pour revenir à Fire Island, on y revient toujours. Non, mais il y a quand même un truc où il y a un discours super prépondérant, puis surtout chez les Moon, de dire que les hommes gays sont plus prompts à ne pas suivre les règles, à genre céder à la tentation, à faire des choses pour leur propre plaisir de manière individualiste. Puis ça, c'est vraiment hérité de la crise du sida, puis c'est super problématique. Oui. Tu sais, puis je pense dans la même lignée, ça répète encore le schéma de « il y a des bonnes tapettes, il y a des mauvaises tapettes ». Ouais. Puis tu dis ça pour te distancer des mauvaises tapettes. Ouais. Moi, j'ai pas des plumes dans le cul, je suis en relation monogame, je suis une bonne tapette, je suis hors milieu. Ouais, mais là, c'est pas dans un truc… Mais là, c'est devenu « moi, je suis une tapette qui se distancie, fait que je suis la meilleure ». Ouais, c'est ça. Puis dans un truc de comme « ben, je comprends que… » C'est-à-dire que oui, il y a des gestes individuels répréhensibles, puis oui, il y a des gens qui… genre, aurait dû monitorer leurs symptômes avant d'aller là, parce que, genre, on a vu, il y avait quelqu'un qui publiait, genre, je suis guéri, j'y vais. Puis après ça, il était comme, non, c'est revenu. Puis il y avait clairement des photos de lui à Fire Island. Oui, c'est cave, c'est répréhensible. Puis, genre, tu devrais être held accountable for that. Ceci étant dit, les gens sont très rapides à, genre, soit harceler les gens en ligne, soit appeler à ce que la police intervienne, soit taguer les services de police, taguer les gouverneurs, puis ça. Puis je suis comme, ça donne rien dans un système, genre, d'état policier, de système carcéral, de, genre, chercher à criminaliser les gens ou à ce qu'ils veuillent avoir des amendes, parce que ça va juste les mettre plus dans marde. Oui, mais je comprends en même temps que c'est fâchant de se dire que, comme, quelqu'un qui a pas monitoré ses symptômes, comme du monde est allé se pitcher dans, genre, un party, ceci étant dit, ça sert à rien d'emprisonner les gens pour genre gérer la pandémie. Non. Ça marchera pas. Non, puis je veux dire, c'est encore un parallèle qu'on peut faire avec la crise du VIH, mais tu sais, comme criminaliser le VIH, c'est pas quelque chose qu'on va. Genre, c'est non, là, c'est un gros non. Puis il y a encore des lois qui criminalisent certaines formes. Ça n'a rien donné à part juste stigmatiser les gens plus. Exactement. Puis justement, tu sais, le shaming, c'est probablement la pire affaire en termes de réduction des méfaits parce que ça pousse les gens. Puis là, je vais le dire en termes qu'on comprend, à mentir sur leur statut. Ouais, ouais, à pas parler de leur prise de risque. Exactement. En fait, parce qu'ils ont peur de que ça ferme la conversation, d'être jugé. De te faire dire c'est de ta faute, t'es irresponsable. Oui, pis... c'est ça, tu sais. Fait que là, les gens sont pas real à propos des risques qu'ils prennent. Puis là, c'est comme ça qu'il y a plus de transmission parce que les gens en parlent pas. Exactement. Puis les gens font semblant ou ils ont peur ou whatever. Fait que ça crée des espèces de mécanismes de négation qui sont super malsains. Puis il y a tellement une espèce de discours autour des COVIDios. Ah mon Dieu, c'est super condescendant. Je suis comme... En tout cas, traiter le monde de cave, des fois on le fait comme un peu naturellement, là, dans un grand geste de colère. Puis je comprends ça, là, la colère de toute façon c'est quelque chose de sain, mais comme... Il y a comme un moment où il y a comme l'espèce d'élite de la pandémie qui, des fois, réfléchit pas à c'est quoi les privilèges qui m'ont permis de passer à travers de cette pandémie-là. Mais pas juste ça aussi. Je trouve qu'il y a un truc de genre, si on dismiss toutes les erreurs qui peuvent être faites en termes de prévention puis dire que ces gens-là sont caves, c'est comme de dire que toi, t'es pas sujet à être faillible. T'sais. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a pas de risque zéro puis je pense pas qu'il y a personne qui a pris aucun risque pendant toute cette pandémie-là, non. Que ce soit un risque minime ou des risques plus élevés, tu sais. Puis de reconnaître qu'on peut tous être sujet à prendre des risques, soit parce que, genre, on a cédé une fois, ou soit parce que il y avait des facteurs de risque qu'on n'avait pas calculés. Ça fait juste que tu peux mieux rattraper le risque, puis peut-être avoir un plan d'urgence, soit être capable d'en parler, être capable de négocier avec les gens avec qui tu partages, genre, un germ pod, tu sais. Ouais. C'est juste que si t'es là à genre traiter le monde de COVID puis à te situer à l'extérieur de ça, qu'est-ce que tu vas faire si jamais ça t'arrive? Ouais, c'est tu ça. Tu vas juste le cacher. Tu vas juste le cacher. Tu vas chier sur le monde genre qui ont eu des pratiques moins sécuritaires, genre fuck that shit. Puis tu sais, encore sur le shaming, puis tu sais, les espèces de discours de peur. Les discours de peur, c'est vraiment bon pour se donner du pouvoir. Ça fonctionne à 100%. Mm-hmm. Les discours de shaming puis les discours de peur pour régler le problème, là, ça a rarement fonctionné. Moi, je connais pas personne qui m'a dit j'ai arrêté de fumer à cause de ce qui était écrit sur les paquets de cigarettes. Là. Mama. Sorry. Mama. Non, ça s'est pas passé. Là, bon, OK, on a parlé des erreurs qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, comment qu'il faut appréhender ces erreurs-là. À quoi ça ressemble, Charlie Morin, travailleuse sociale? Oh, tabarnak. À quoi? Pas de pression. Câlisse. C'est toi qu'il faut qu'il nous établisse un plan national de réduction des méfaits. Yes. Ça ressemble à quoi, la réduction des féminins? La réduction des féminins. Réduction des féminins. Alors, la réduction des féminins. Est-ce que je couperais pas ça au montage? Alors, ça... Ah! C'est quoi? Ça ressemble à quoi la réduction des méfaits? Là? La réduction des méfaits, c'est juste d'acknowledge. Ben, en tout cas, je vais parler en termes conversationnels. Je ne vais pas préparer une belle définition académique. T'sais. Mais je pense qu'en termes de COVID, puis il ne faut pas penser nécessairement que la réduction des méfaits, ça implique de prendre des risques. Ouais. Ça fait juste acknowledge que le risque est possible. Exactement. Oui. Puis aussi. C'est ne pas se mettre la tête dans le sable. C'est ça. Puis c'est aussi d'être capable de quantifier les risques aussi. Oui. Quelle prise de risque est différente. Oui. Puis de gérer collectivement ça, en fait. Oui. Puis en parler avec tes proches, tes amis. C'est ça, mais en parler ouvertement, c'est pratique. Puis je pense que c'est aussi d'être conscient à ce à quoi on s'expose, mais oui. aussi à ce à quoi on expose les autres, tu sais. Parce que tu peux avoir une plus grande tolérance en termes d'anxiété, oui. de comment tu vis bien avec ça, t'exposer à un peu plus. Ceci étant dit, il faut que tu fasses attention de ne pas exposer des gens qui n'ont pas cette tolérance-là oui. à plus. Puis qui n'ont pas consenti, effectivement. Qui n'ont pas consenti, tu sais. Oui, puis je pense que c'est toi qui me parlais de ça, mais tu sais, comme d'avoir un plan si ça si tu le contractes ou s'il y a quelque chose qui arrive. Oui, savoir ça. Quoi faire si oui. toi, tu as contracté le COVID. Oui, ou s'il y a un risque qui a été pris avec lequel tu n'es pas down. Tu sais, de la même manière qu'on le sait, à ce moment-là, moi, j'ai une gonorrhée, ben, je vais contacter mes partenaires sexuels, mais leur dire, regardez, gars, j'ai une gonorrhée, ça serait peut-être intéressant que tu aies fait checker. Ah oui, c'est ça, tu sais, mais je veux dire, à un moment donné, je pense pas qu'on devrait s'empêcher de chiller dans le cours des gens. C'est juste que c'est vrai que à un moment donné, si vous êtes plusieurs à chiller dans une cour, être prêt à ce que l'information circule oui. si jamais il y a une inquiétude, à ce que les gens comme soient prompts à s'isoler si jamais comme quelqu'un en tant que quelqu'un. Tu sais, comme juste avoir de la communication active, en fait. Puis, en tout cas. Ça a l'air têteux à dire, là, mais la communication, c'est la solution à bien des problèmes. En tout cas. On dit ça, on dit rien. En tout cas. Fait que là, on s'entend qu'on vit dans une époque wild. Girl. C'est quelque chose dehors. Là, le monde est après viré sur le top, c'est un hostie de temps. 2020, là. 2020, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu de vraiment wild en cette époque? J'ai vu des affaires pas pires sur Grindr pendant le confinement, mais tu sais, le confinement hardcore. Là, ouais. Je me connectais sur Grindr juste pour me faire du mal. Oui, tourner le fer dans la plaie. Oui, c'est parce ça. Parce qu'on avait rien que ça à faire, anyway. On avait rien que ça à faire. Il y a un gars qui m'a proposé de taper un dildo au bout d'un bâton de hockey pour que je vienne le fourrer avec dans une ruelle à 2 mètres de distance. Puis j'ai trouvé ça tellement beau et créatif. Ah ben! S'il te fourre dans trois trous, c'est un tour de chapeau. Ah ouais, esti. Ceci étant dit, j'ai malheureusement pas accepté. Ah non. Ben, c'est juste que, tu sais, on était dans une partie du confinement où c'était comme assez strict. Ouais. Il faisait froid dehors. Puis il y a aussi un truc de comme, je comprends que s'il tape le bâton puis tout, là, c'est assez safe. Mais je trouve que quand tu t'embarques dans des plans comme ça, même avec beaucoup de mesures pour réduire les méfaits, ouais. il faut que tu puisses penser aux manières selon laquelle ça pourrait pas nécessairement aller comme tu veux en termes de prévention, puis ouais. être capable de gérer ça. Puis moi, je me sentais moyen par rapport à ça. T'sais. J'étais juste comme, non, je pense pas que je serais capable de rester ouais, à même, bon je vais moment. Pas y aller. Là, clairement trop horny. Là. Sinon, parlant de clairement trop horny en confinement et de réduction des méfaits, j'avais essayé vers la fin du printemps, j'avais essayé de convaincre mes colocs de me laisser installer un glory hole à ma fenêtre. J'étais comme, je veux juste sucer du pénis. je veux juste que les pénis y rentrent dans ma chambre. Je veux pas voir les gens. Je veux pas. Il y aura pas de gouttelettes, je vous promets. Ça, tu passes au conseil? Ben, c'était compliqué à gérer parce que, tu sais, il y a aussi un truc de comme, ok, mais là, on savait pas c'était quoi la contamination par les surfaces. Fait que là, on était comme, mais là, si, tu sais, faut-tu que tu laves les mains, faut-tu que tu laves là, c'était rendu comme vraiment bien compliqué. Puis en même temps, quand t'es de l'autre bord d'une fenêtre, est-ce que tu peux vraiment faire la différence entre du loup et du purel? Listen, maman, moi je l'aurais fait, mais je vis avec des gens dans un. Tu sais, je veux dire, puis on compte les uns sur les autres, puis à un moment donné, j'étais comme, you know what, c'est correct, m'a prendre mon mal en patience. En tout cas, KY, si vous nous écoutez, on est en quête d'un lubrifiant désinfectant. Calice. On veut une formule unie. Ou en tout cas, la même affaire dans la même bouteille. Moi, j'en ai parlé un peu là, à Laval, ça virait à bataille de coups de poing. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant la pandémie, c'était de regarder les manifestations contre le confinement. Ah, mon Dieu! Il n'y a rien de plus beau que de voir un républicain ou une républicaine avec une pancarte « My body, my choice ». Ah, c'est parfait. Là. Le degré d'hypocrisie venant de ces hosties de pro-vie. Là, j'ai dit pro-vie, je veux dire anti-avortement. Le degré d'hypocrisie de débarquer en disant « My body, my choice ». Quoi? Pardon? Excuse-moi? Non, je ne crois pas. Bon, en même temps, tant mieux si ces gens-là se réunissent en temps de pandémie. Listen. Je ne crois pas à la sélection naturelle parce que ça, c'est un principe néo-nazi. Hein, dans notre société d'aujourd'hui, on ne dit pas des affaires de même. Ah! Je viens de me craquer. J'ai vu ça du monde. Ah! Ah, là, c'est, là, je suis en tabarnak. J'ai vu ça du monde sur Facebook dire « Ah, laissez la COVID aller. L'humain, c'est le virus. » Non, sélection naturelle. Les éco-fascistes, là. Là, on va se mettre... On va juste garder en tête là, comment ça fonctionne une société. Là. Il arrive une crise. C'est-tu les plus vulnérables ou les plus riches qui sont pognés avec la crise? C'est les plus vulnérables. Tu penses-tu vraiment que c'est les gens qui sont la cause de « Nous sommes le virus sur Terre » qui vont mourir? Non, ces gens-là, ils ont des médecins privés. Ah oui, les 10 personnes qui possèdent tout dans le monde. Ils se tiennent à 2 mètres de distance avec leur bonne et leur butler. Non, je sais. Mais moi, c'est pour ça que toute personne qui joue au hockey au cégep devrait pas avoir le droit d'avoir de compte de médias sociaux. Ouais. Ouais. Enlever leur... Il y a trop d'humains l'accès. Sur Terre, c'est non, pas vrai. Il y a tout ce qu'il faut pour nourrir ces humains-là. Il y a trop de capitalisme. C'est beau ce que vous dites. Ça m'inspire. Je me suis pas si fâché tant que ça. Non, c'est ça. Vous avez été raisonnable. Surtout les gens qui sont amis avec moi sur Facebook, ils m'ont peut-être vu là, partir sur des coches puis chier après le monde qui font le shaming. Là, moi, j'ai heurté des gens... Moi, je trouve qu'un fight par jour éloigne le médecin pour toujours. En tout cas, si jamais j'ai choqué des gens... Ça vous garde belle puis en santé, moi, je pense aussi. Fait que c'est ça. Donc, si jamais j'ai choqué des gens, tu sais, je vous le dis, là, je m'en calisse. Ouais, elle pensait exactement tout ce qu'elle a dit. Et voilà, je m'assume. Fait que, on s'en va se faire un café sur notre poêle de camping dans le bas du fleuve en disant à qui veut bien l'entendre qu'on vient de Québec, comme tout le monde de Montréal qui s'est affluent ou passer leurs vacances. Puis, on vous revient. Overcaféiné! Piu piu! Et c'était tout pour le premier épisode de la saison 2 de My God, déjà, si vous pouvez, comme toujours, nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure, exception en fait de LinkedIn, TikTok et that's it. Si vous voulez écrire de FIF le matin, ça s'écrit le chiffre 2. FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. 2 FIF le matin en un mot. Et d'ici la semaine prochaine, bien entendu, on vous encourage à rester prudent et prudente. On vous encourage aussi à écouter Crash Ton Thé. Oui, on vous... Oui. De RuPaul's Drag Race. Très important. Tous les dimanches. Oui, oui, oui. Et si vous vous intéressez au drag pour vrai et pas juste à Drag Race, vous pouvez aussi écouter Hey Queen, mon podcast sur les artistes drag de Montréal. Hey! Hey! Il y a juste 6 épisodes parce que Miss Rona a fucké mes invités, mais... Lol. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Facebook, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Mettez-nous un petit cœur sur Spotify. Oui. Laissez un commentaire sur notre page Facebook, dites-nous 5 étoiles, comment on est bon. Oui. C'est ça. Donc, d'ici à la semaine prochaine, s'il vous plaît, partagez-nous sur tous vos réseaux sociaux. 2 FIF le matin, ça se partage comme un button sur le sling du G.I. Joe un samedi soir de Pride. Ok, c'est fini, pas ce stuff. Et on se revoit la semaine prochaine!